Ndikomanyanga. François Kimana sur la mise en onde, bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Certains députés de l'Assemblée nationale disent ne pas comprendre pourquoi l'appartenance politique figure parmi les critères de recrutement de nouveaux membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Ils l'ont dit ce lundi lors du vote de 7 membres de la nouvelle équipe de la CNIDH. 27 milliards de francs burundais est la somme d'argent que réclament les fournisseurs de matériaux de construction à l'office Obuha, indique le responsable de ces fournisseurs lors d'un sit-in qu'ils ont observé ce mardi devant le bureau du ministère des Travaux publics. Et dans la chronique santé de ce mardi, on revient sur la sinusite. Une inflammation des sinus de la face due à un virus ou à une bactérie avec pour symptômes des douleurs faciales, une fièvre et une douleur aggravée par la toux. Bienvenue à ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a nommé ce lundi 5 mai 2025 le nouveau directeur général du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBN en sigle. Il s'agit du docteur Samuel Ndayiragije, en remplacement du professeur Jérémy Ngezahayo, qui venait de passer moins d'une année à la tête de ce bureau, car il avait été nommé le 17 mai en 2024. 2 ans et demi de prison ferme et une amende de 50 000 francs burundais et la peine est prononcée l'après-midi de ce mardi par le tribunal de grande instance de Bururi contre un certain Meshak Minani, accusé d'être acteur de lésions corporelles volontaires ayant entraîné la mort de son demi-frère Ndayiragije Libère, à qui il empêchait l'abattage de son arbre. C'était le 24 avril 2025 à leur domicile sur la colline Rushemeza, commune et province Bururi. Le même tribunal a décidé 6 mois de prison contre leur sœur Kabura Renilde, accusée de non-assistance à la victime. C'est au moment où sa petite sœur Jacqueline Chimilimana, accusée de la même infraction, a été acquittée. Les deux condamnés devront également payer respectivement une indemnisation de 10 millions et 2 millions de francs burundais. Et en cas de non-paiement de cette indemnisation, une contrainte par corps de 50 ans sera infligée à Minani Meshake et 10 ans à Kabura Renilde, selon le tribunal de grande instance de Bururi, qui avait mis en délibéré vendredi dernier le dossier traité en matière de flagrance. La répression des actes de corruption, la promotion des bonnes pratiques sont parmi les priorités qui pourraient faire partie de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Conviction du directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses mais au cours d'un atelier d'échange réunissant les acteurs tenus suite à une retraite de réflexion organisée par le gouvernement burundais au mois de février 2025 pour la mise en place de cette stratégie. Faustin Dikoumana estime qu'il doit y avoir de la volonté au niveau des pouvoirs publics. On l'écoute. Si on ne renforce pas la bonne gouvernance contre la corruption, ça va se transformer en un simple slogan. Ça sera comme de l'épée dans l'eau. Parce que tout ce que nous allons faire pour décoller économiquement en dépend. Si nous voulons des moyens pour le développement, ça dépend de la santé. Pour mobiliser des moyens à l'intérieur, pour bien gérer ces moyens, pour les affecter rationnellement, pour mobiliser les investissements directs étrangers, pour mobiliser les appuis des bailleurs de fonds, pour nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour avoir des ressources humaines compétentes, des vents justement engagés au pays sur la voie de la réforme, tout sera dépendre de cette stratégie. En dehors de ça, alors, ça sera impensable de continuer à parler d'une vision dont la réalisation sera toujours reportée aux calendes grecques. Comme chaque guerre, il faut avoir un plan de guerre. Pour chaque guerre, il faut avoir un plan de guerre. Cette stratégie, nous la considérons comme une trajectoire qui va illuminer le gouvernement dans ses actions de lutte contre la corruption. Mais toujours, faut-il qu'il y ait un engagement politique fort pour traduire en action cette approche théorique. Ça, c'est une approche théorique. Est-ce qu'elle va-t-elle être traduite en action de façon volontariste? Ou bien, ça va être comme les documents passés. Vous savez qu'il y a une stratégie antérieure de la nationale d'autorité contre la corruption. Vous savez qu'il y a des politiques de déclaration de tolérance zéro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Placé à la page droit de l'homme, certains députés burundais ne comprennent pas pourquoi parmi les critères de recrutement des commissaires membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, figurent les critères basés sur leur appartenance politique. C'est au moment où cette commission est dite indépendante. Ces élus du peuple l'ont dit ce lundi lors du vote de nouveaux membres de la CNDH à l'Assemblée nationale. Ces nouveaux membres vont succéder ceux qui ont démissionné pour des raisons diverses, comme l'a expliqué Daniel Gilas Ndabirae, le président de l'Assemblée nationale, les détails avec Alexis Ndaïseng. Comme l'a indiqué le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gilas Ndabirae, parmi les critères retenus pour les candidats souhaitant intégrer cette commission figuraient également les partis politiques. Certains députés ont exprimé les inquiétudes concernant l'implication des partis politiques dans la désignation des membres de cette commission. Le député Pascal Guiqueque ainsi que Simo Bizimungu ont souhaité comprendre les raisons de cette implication. Dans cette législature qui tend vers sa clôture, ce n'est pas la première fois que nous élisons des membres des commissions nationales, mais c'est la toute première fois que nous sommes informés que ce sont des candidats envoyés par les partis politiques. Est-ce que, dans ce cas, les 21 candidats qui vont passer devant nous pour nous parler de leur expérience en matière des droits de l'homme vont aussi préciser les partis politiques? Ce sont mes inquiétudes. Si vous dites que les candidats sont envoyés par les partis politiques, j'ai des inquiétudes. Je veux savoir si tous les partis politiques ont été consultés, car nous en avons beaucoup. Au cas contraire, ça va être difficile, car un tel organe devrait recruter des techniciens en matière des droits de l'homme. Vous comprenez bien que nous allons donc recruter les membres des partis politiques. De l'autre côté, le député Carolero Anatore a demandé si cela signifiait que la commission allait perdre son statut actuel qui avait été maintenu suite à des évaluations antérieures. Ce que nous savons est que la commission devrait être indépendante, mais nous avons entendu qu'ils n'ont pas travaillé et ils ont démissionné. Alors, je n'ai pas bien compris. Effectivement, la commission a eu des difficultés, mais elle a repris à son statut. En plus, ce statut montre une belle image du pays. Donc, j'avais des inquiétudes. Quand vous dites que la commission antérieure n'a pas bien travaillé alors qu'elle a gardé le statut A. En réponse à ces préoccupations, Daniel Gilas Ndabirae a précisé que ce genre de questions ne relevait pas directement des compétences de l'Assemblée nationale. Les citoyens sont régis par les partis politiques. C'est à travers ces derniers que se fait la sélection des candidats. S'ils se conviennent sur des candidats à nous envoyer, nous n'avons rien à ajouter ni à retrancher, car nous aussi, nous sommes membres des partis politiques. Ce sont les partis qui connaissent leurs membres. Nous n'allons pas ainsi demander leur appartenance politique. Je pense que je vous ai répondu à votre demande de savoir le fait de recouvrir le statut A. Cela dépend des citoyens. Les informations provenant de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, précisent que les nouveaux commissaires ont été élus alors que deux anciens membres avaient encore un an et cinq autres deux ans avant la fin de leur mandat. 7 sur 21 candidats qui avaient postulé ont été élus nouveaux membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, ce lundi. Il s'agit de Mgr Nyabuho Martin Blaise à la présidence. Le vice-président, c'est Rugeminhwaza Gérard, tandis que Nkurunziza Béatrice a été élue secrétaire exécutive. Les membres sont entre autres Dr Manirambona Jean Bosco, Glorieuse Nimenya, Ndayumvire Dina et ambassadeur Nambuka Issa. Qui est donc ce nouveau président de la CNIDH en remplacement du docteur Sixte Vigny Nimurav? Retour sur son curriculum vitae avec Mireille Kanyank. Né le 15 juin 1955 en commune Yansoro de la province Gitega, Mgr Martin Blaise Nyabuho est licencié en théologie systématique en 1992. Il a été évêque et représentant légal du diocèse de Makamba de 1997 à 2025. De 2016 à 2021, il était archevêque de l'église anglicane du Burundi. De 2018 à 2023, il était vice-président de la conférence des églises de toute l'Afrique de la région francophone. En 2010, Mgr Martin Blaise Nyabuho a été vice-président de la commission électorale provinciale indépendante de Makamba, puis président de la même commission à Makamba en 2015. En 2008 et 2022, il a été défenseur des droits de la personne humaine, en particulier ceux des femmes et filles. Élu nouveau président de la commission nationale indépendante des droits de l'homme ce lundi, Mgr Blaise Martin Nyabuho a fait en décembre 2023 un plaidoyer auprès du US Department pour la vision du Burundi 2040-2060, 2022 et 2023. Il a été président de délégation à la veille des élections en République démocratique du Congo et au Zimbabwe. Le nouveau président de la CNIDH a fait ses études primaires à l'école primaire de Gweza de 1962 à 1970. De 1970 à 1972, il a fait l'école normale de Kiwimba. De 1973 à 1977, il a fait l'Institut biblique de Mweya. De 1982 à 1985, il a fait l'Institut théologique de Matana. Isanganiro. Page santé. À présent, ceux qui utilisent les moustiquaires destinés à la prévention du paludisme de manière inappropriée seront punis conformément à la loi. À propos du gouverneur de la province Kirundo, général de police Segasago Victor, qui met en garde ceux qui pourraient vendre ces moustiquaires ou les utiliser pour d'autres fins, car la distribution est désormais digitalisé. Il interpelle la population de bien suivre les conseils du personnel de la santé en faisant bon usage des moustiquaires reçus. Madame le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida interpelle la population de répondre massivement aux activités de vaccination et de distribution des moustiquaires pour lutter contre le paludisme, car la province de Kirundo vient en première position au niveau national pour les cas de maladie et mortalité causé par le paludisme. Le détail avec Agnès Nambagati. Comme l'indique le gouverneur de la province Kirundo, le paludisme est parmi les premières maladies qui menacent la population de la province Kirundo. Il explique cela par le fait que la population n'a pas de connaissances suffisantes pour pouvoir éradiquer cette maladie, ce qui fait que certains parmi la population utilisent de manière inappropriée les moustiquaires destinés pour la prévention du paludisme. Le gouverneur met en garde ceux qui pourraient vendre ces moustiquaires ou les utiliser pour d'autres fins, qu'ils seront punis conformément à la loi, car cette distribution est digitalisée où chaque moustiquaire sera désormais suivi tout au long de la chaîne logistique de l'entrepôt jusqu'au ménage bénéficiaire. interpelle la population de bien suivre les conseils du personnel de la santé en faisant bon usage des moustiquaires reçus. Le représentant de l'OMS, le docteur Xavier Crespin, indique que le paludisme est une menace majeure qui coûte la vie de plus de 600 000 personnes chaque année en Afrique, dans la région des pays dont le Burundi fait partie. Il interpelle les partenaires du secteur sanitaire et tous les administratifs à tous les niveaux à œuvrer ensemble pour renforcer les services de vaccination et de lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé, qui a rehaussé de sa présence dans ces activités, indique que cette journée est constituée de trois activités qui sont entre autres la 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme et la 15e édition de la Semaine africaine de vaccination et la campagne digitale de distribution des moustiquaires aux plus de 84 000 ménages des districts sanitaires de Wusoni et Bwambarangwe bénéficieront des moustiquaires. Madame le ministre interpelle la population de répondre massivement aux activités de vaccination et de distribution des moustiquaires pour lutter contre le paludisme, car la province de Kirundo occupe la première place pour les cas de maladies et mortalité causées par le paludisme. Depuis Kirundo, Agnès Nahomagadze pour la radio Isanganiro. Merci à Agnès Nahomagadze pour tous ces détails. Le fournisseur des matériaux de construction à Lubuha réclame à cette institution une dette de 27 milliards de francs burundais. Anissé Niyonguru, représentant de ses fournisseurs, fait savoir qu'ils ont soumis cette doléance au ministère ayant les infrastructures dans ses attributions, mais que jusqu'à présent, cette situation persiste. Ils demandent aux instances habilitées de trouver solution à ce problème, car l'argent qu'ils ont utilisé a été contacté au niveau des banques et institutions de microfinance. On l'écoute. Notre problème concerne les fournitures que nous avons délivrées. Depuis 2024 jusqu'à maintenant, nous avons facturé, mais nous n'avons pas eu l'argent. Et quels sont les matériaux que vous avez distribués par Bois? J'ai distribué les graviers, les sables, les moellons, les briques cuites, les perches et les planches et aussi les madriers. Et en général, ça coûtait combien d'argent? Ça coûte 80 millions 87 000 francs. Et pour les autres, en général, vous demandez combien d'argent? Nous demandons une somme de 27 milliards francs. Est-ce qu'avez-vous soumis cette doléance aux instances habilitées? Nous avons consulté le ministre de construction trois fois et il nous a promis que notre question sera analysée dans un mois pour que nous puissions avoir une bonne réponse. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu une bonne nouvelle et nous demandons alors de faire ce qui est possible. Vous adressez cette demande à qui? Nous adressons cette demande au ministre de construction ainsi que Son Excellence, le Président de la République. Il est à noter que ce problème date de 2024. Selon les informations recueillies au ministère des Infrastructures, ces fournisseurs seront payés dans le budget que le gouvernement compte utiliser lors de l'exercice budgétaire 2025-2026. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi concerne la sinusite. C'est une maladie, inflammation de sinus de la face due à un virus ou à une bactérie avec pour symptômes des douleurs faciales, une fièvre et une douleur aggravée par la toux, selon docteur Jean Gentil Rumbete, spécialiste en otorhinolaryngologie. Il indique que les personnes susceptibles de développer cette maladie sont celles qui contractent souvent des rhumes chroniques. Santé avec Ornella Mucho. Une sinusite est une inflammation des sinus, des cavités situées autour du nez et des yeux. Docteur Jean Gentil Lumbété, spécialiste des maladies de la gorge, de l'oreille et du nez, indique qu'elle peut être aiguë durant moins de 4 semaines ou chronique persistant plus de 12 semaines. Il souligne aussi que la sinusite peut être provoquée par plusieurs facteurs, notamment les infections virales, comme le rhume qui bloque les canaux de drainage des sinus, les allergies comme la poussière qui irrite les muqueuses. La pollution atmosphérique ainsi que les changements climatiques peuvent favoriser ou faire avancer vers une évolution de la sinusite. Tout le monde peut développer une sinusite, mais on le voit dans notre travail quotidien, c'est à partir chez l'enfant de 10 ans jusqu'à l'âge adulte qu'on peut avoir une sinusite. Pourquoi? Parce que avant l'âge de 10 ans, ces cavités qui sont pneumatisées ne sont pas encore matures pour être à l'origine d'une sinusite. Cette maladie est caractérisée par différents symptômes, à savoir la congestion nasale, la douleur faciale, dentaire et maux de tête ou la toux grasse. Alors là, on citera les maux de tête qu'on dit les céphalées. Ce sont des céphalées d'une seule partie qu'on appelle des céphalées unilatéraux. Ce sont des céphalées qui sont exagérées ou exacerbées par une tête penchée en avant. On peut avoir aussi une rhinorrhée, écoulement au niveau du nez, une rhinorrhée purulente où il y a du pus, un écoulement du nez mélangé avec du pus qui est malodorante. Il y a le nez qui est bouché, ce qu'on appelle une obstruction nasale. Il y a les signes qu'on a aussi une fièvre et une anosmie, la perte d'odorat. Il y a les éternuements, il y a la toux, persistance, une toux allergique. Il y a la gêne au niveau de la gorge. Docteur Jean Gentil Lumbété indique que la sinusite peut être confondue avec d'autres maladies, notamment le rhume, en raison de symptômes similaires. Toutefois, il indique qu'il y a des examens faits pour justement distinguer la sinusite des autres maladies. Pour cause de ces signes qu'on vient d'évoquer, on peut confondre le rhume avec le syndrome grippal, une rhinite saisonnière avec une sinusite. Ce n'est que la durée de l'évolution qu'on peut dire, avec les signes qui s'ajoutent, qu'on peut suspecter une sinusite. En dehors des signes cliniques, il y a finalement d'autres examens qu'on va demander, radiologiques, qu'on va demander pour confirmer que c'est une sinusite. Là, c'est la radio, qu'on appelle radio dite blondo de la face. Mais c'est une radio qui est peu spécifique parce qu'il ne montre que peu d'intérêt en cas de sinusite chronique ou dans d'autres zones de sinusite. Finalement, on va dire les sinusites pour confirmer qu'elle est chronique, on va demander le scanner. C'est le scanner qui tranchera que la personne est porteuse d'une sinusite chronique et dans quelle région cette sinusite est situé. Docteur Jean Gentil Lumbété signale que si les symptômes durent depuis au moins 14 jours sans s'améliorer, il est conseillé de consulter un médecin. Voilà, se referme ce journal et merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. L'actualité de notre émission continue sur Isanganiro.